Sous le ciel étoilé où mon cœur s'est perdu, je cherche les mots doux que je ne t'ai pas dit. Depuis que ton regard sur le mien s'est posé, mon âme s'illumine et l'ennui s'est enfui. Tu es le doux parfum d'un jardin en éveil, la lueur d'une aurore au reflet de soleil. Je t'offre mon destin, mes rêves et ma foi, car ma seule évidence, ô ma belle, c'est toi. Ton souffle sur mon cœur dépose un doux vertige, et tes mots font fleurir un espoir que je tige. Si l'amour est ce lien qui unit nos deux vies, je consens au voyage et j'en ai bien envie.